train. Si tu te sens pas prêt, tu sens pas bien. Si tu te sens pas prêt, attends-moi la main. Viens bébé, allez viens, allez viens. Mais laisse-toi aller, mais allez vas-y, danse. Regarde-moi tourner, ouais, regarde-moi vivre. C'est si bon, bébé, bébé, c'est si doux. Mais laisse-moi aller, mais allez vas-y, danse. Regarde-moi tourner. Toujours dans nos rêves, pour toujours dans nos rêves.